qu'elle est digne d'être aimée. Pourquoi faut-il que Mario m'ait prévenu ? Où étiez-vous donc, monsieur ? Depuis que j'ai quitté Mario, je n'ai pu vous retrouver pour vous rendre compte de ce que j'ai dit à monsieur Orgon. Je ne me suis pourtant pas éloigné, mais de quoi s'agit-il ? Quelle froideur ! J'ai eu beau décrier votre valet et prendre sa conscience à témoin de son peu de mérite, j'ai eu beau lui représenter qu'on pouvait du moins reculer le mariage, il ne m'a pas seulement écouté. Je vous avertis même qu'on parle d'envoyer chez le notaire et qu'il est temps de vous déclarer. C'est mon intention. Je vais partir incognito et je laisserai un billet qui instruira monsieur Orgon de tout. Partir ? Ce n'est pas là mon compte. N'approuvez-vous pas mon idée ? Mais... pas trop. Je ne vois pourtant rien de mieux dans la situation où je me trouve, à moins que de parler moi-même. Et je ne saurais m'y résoudre. J'ai d'ailleurs d'autres raisons qui veulent que je me retire. Je n'ai plus que faire ici. Comme je ne sais pas vos raisons, je ne puis ni les approuver, ni les combattre, et ce n'est pas à moi de vous les demander. Il vous est aisé de les soupçonner, Lisette. Mais je pense par exemple que vous n'avez pas de goût pour la fille de monsieur Orgon. Ne voyez-vous que cela ? Il y a bien encore certaines choses que je pourrais supposer, mais je ne suis pas folle et je n'ai pas la vanité de m'y arrêter. Ni le courage d'en parler, car vous n'auriez rien d'obligeant à me dire. Adieu, Lisette. Prenez garde, je crois que vous ne m'entendez pas. Je suis obligée de vous le dire. À merveille. Et l'explication ne me serait pas favorable. Gardez-moi le secret jusqu'à mon départ. Quoi, sérieusement, vous partez ? Vous avez bien peur que je ne change d'avis. Vous êtes aimable d'être si bien au fait. Cela est bien naïf. Adieu. S'il part, je ne l'aime plus. Je ne l'épouserai jamais. Il s'arrête pourtant. Il rêve. Il regarde si je tourne la tête et je ne saurais le rappeler, moi. C'est pourtant singulier qu'il partit après tout ce que j'ai fait. Ah, voilà qui est fini. Il s'en va. Je n'ai pas tant de pouvoir sur lui que je le croyais. Mon frère est un maladroit. Il s'y est mal pris. Les gens indifférents gâtent tout. Ne suis-je pas bien avancée ? Quel dénouement ! De rentre Paris pourtant. Il me semble qu'il revient. Je me dédie donc. Je l'aime encore. Feignons de sortir, afin qu'il m'arrête. Il faut bien que notre réconciliation lui coûte quelque chose. Restez, je vous prie. J'ai encore quelque chose à vous dire. À moi, monsieur ? J'ai de la peine à partir sans vous avoir convaincu que je n'ai pas tort de le faire. Eh, monsieur, de quelles conséquences est-il de vous justifier auprès de moi ? Ce n'est pas la peine. Je ne suis qu'une suivante et vous me le faites bien sentir. Moi, Lisette ? Est-ce à vous de vous plaindre, vous qui me voyez prendre mon parti sans me rien dire ? Si je voulais, je répondrais bien là-dessus. Répondez donc. Je ne demande pas mieux que de me tromper. Mais que dis-je ? Mario vous aime. Cela est vrai. Vous êtes sensible à son amour, je l'ai vu par l'extrême envie que vous aviez tantôt que je m'en allasse. Ainsi vous ne sauriez m'aimer. Je suis sensible à son amour. Qu'est-ce qui vous l'a dit ? Je ne saurais vous aimer. Qu'en savez-vous ? Vous décidez bien vite. Eh bien, Lisette, par tout ce que vous avez de plus cher au monde... Instruisez-moi de ce qui en est, je vous en conjure. Instruire un homme qui parle ? Je ne partirai point. Laissez-moi. Tenez, si vous m'aimez, ne m'interrogez point. Vous ne craignez que mon indifférence et vous êtes trop heureux que je me taise. Que vous importent mes sentiments ? Ce qu'il m'importe, Lisette. Peux-tu douter encore que je ne t'adore ? Non. Et vous me le répétez si souvent que je vous crois, mais pourquoi m'en persuadez-vous ? Que voulez-vous que je fasse de cette pensée-là, monsieur ? Je vais vous parler à cœur ouvert, vous m'aimez. Mais votre amour n'est pas une chose bien sérieuse pour vous. Que de ressources n'avez-vous pas pour vous en défaire ? La distance qu'il y a de vous à moi, 1000 objets que vous allez trouver sur votre chemin, l'envie qu'on aura de vous rendre sensible, les amusements d'un homme de votre condition, tout va vous ôter cet amour dont vous m'entretenez impitoyablement. Vous en rirez peut-être au sortir d'ici et vous aurez raison. Mais moi, monsieur, si je m'en souviens, comme j'en ai peur, s'il m'a frappé, quel secours aurai-je contre l'impression qu'il m'aura faite ? Qui est-ce qui me dédommagera de votre perte ? Qui voulez-vous que mon cœur mette à votre place ? Savez-vous bien que si je vous aimais, tout ce qu'il y a de plus grand dans le monde ne me toucherait plus ? Jugez de l'état où je resterai. Ayez la générosité de me cacher votre amour, moi qui vous parle. Je me ferai un scrupule de vous dire que je vous aime dans les dispositions où vous êtes. L'aveu de mes sentiments pourrait exposer votre raison et... Vous voyez bien aussi que je vous les cache. Ah, oh, ma chère Lisette, que viens-je d'entendre ? Tes paroles ont un feu qui me pénètre, mais je t'adore, je te respecte. Il n'est ni rang, ni naissance, ni fortune qui ne disparaisse devant une âme comme la tienne. J'aurais honte que mon orgueil tinte encore contre toi. Et mon cœur et ma main t'appartiennent. En vérité, ne mériteriez-vous pas que je les prise? Ne faut-il pas être bien généreuse pour vous dissimuler le plaisir qu'ils me font et... Croyez-vous que cela puisse durer? Vous m'aimez donc? Non, non. Mais si vous me le demandez encore, tant pis pour vous. Vos menaces ne me font point de peur. Et Mario, vous n'y songez non plus? Non, Lisette. Mario ne m'alarme plus, vous ne l'aimez point. Vous ne pouvez me tromper. Vous avez le cœur vrai. Vous êtes sensible à ma tendresse. Je ne serais en douter au transport qui m'a pris, j'en suis sûr. Et vous ne sauriez plus m'ôter cette certitude-là. Oh, je n'y tâcherai point. Gardez-la. Nous verrons ce que vous en ferez. Ne consentez-vous pas d'être à moi? Quoi, vous m'épouseriez malgré ce que vous êtes? Malgré la colère d'un père, malgré votre fortune? Mon père me pardonnera dès qu'il vous aura vu. Ma fortune nous suffit à tous deux et le mérite vaut bien la naissance. Ne disputons point car je ne changerai jamais. Il ne changera jamais. Savez-vous bien que vous me charmez, Dorante? Ne gênez donc plus votre tendresse et laissez-la répondre. Enfin, j'en suis venue à bout. Vous ne changerez jamais. Non, ma chère Lisette. Que d'amour,